L'effaré par Léon Frappier. Daniel Thibault, rédacteur au ministère, avait épousé la fille d'un chef de bureau, jolie parisienne blonde, délicate, un peu anémique, sans force pour les occupations sérieuses, mais intrépide à supporter les fêtes et les plaisirs. Les gâteries familiales lui avaient donné une sorte d'égoïsme puéril qui la rendait inapte à l'organisation raisonnable de la vie. Tout de suite, Marceline gaspilla sans compter les revenus du ménage. La maternité même ne la s'agit pas, si bien que Thibault, très épris et par conséquent faible en ses remontrances, connut l'ennui des échéances difficiles. Mais certains jours, un créancier, ayant mis opposition sur ses appointements, Thibault comprit qu'un plus long désordre aboutirait à la compromission de tout l'avenir. Il prit en main la gestion des finances et maintint inexorablement les dépenses dans la limite des ressources disponibles. Marceline ne voulut rien entendre. Elle était malheureuse. Son mari ne l'aimait plus. Il ne l'avait jamais aimée. Finalement, elle le quitta et se retira chez ses parents. « Névrose, diagnostiqua un docteur ami de Thibault, n'essayez pas de ramener votre femme par aucun discours. Laissez agir le temps. » Thibault avait alors 33 ans. Grand, mince, brun, l'air d'un intellectuel absorbé, distrait, il était en réalité sensible et réservé. Il remplaça la femme de chambre et la cuisinière par une simple bonne, jeune et docile, à qui il ordonna de soigner surtout les enfants Jacques et Albert. Ce fut une petite vendéenne, au front l'ovale et les traits arrondis d'une figure de vitrail gothique et qui s'effarait au moindre mot. Jacques, à 5 ans, et Albert, à 3 ans, étaient déjà d'aimables despotes. Mélanie leur obéissait plutôt qu'elle ne les gouvernait. Sa chambre, attenante à la leur, formait, avec la cuisine, un côté de l'appartement. L'autre côté comprenait le salon, la salle à manger et la chambre de Thibault. Lui, il s'accommodait du service sommairement fait. Il observait cette délicatesse de très peu commandée et même de très peu imposée à la bonne la gêne de son regard. Un jour de décembre, il rentra du bureau, comme d'habitude, vers 6h30. À peine avait-il ouvert la porte que Jacques et Albert se précipitèrent dans ses jambes, surexcités, fous de joie. « Papa, papa, Noël est venu en avance. Il nous a porté une poupée de vraie, une vivante, qui crie, qui remue. » La concierge apparut. Elle arrivait de la chambre du fond. « Votre bonne a mis au monde une petite fille. Par bonheur, elle m'a appelé à temps et j'ai pensé à Noël. » Thibault fut tout d'abord très embarrassé, mais on trouva une garde malade qui, tout en veillant Mélanie, voulut bien s'occuper des enfants. Ceux-ci menaient une vie endiablée du matin au soir. La nouvelle-née était à eux, ils l'appelaient Zulie. Il fallait la mettre dans leur chambre où ils contemplaient son sommeil. Il fallait leur donner à embrasser, la leur poser sur les bras, la laisser jouer avec ses doigts minuscules, les laisser lui raconter d'interminables histoires. Au bout d'une semaine, un soir, Thibault, qui feuilletait des brochures en attendant le dîner, eut la surprise de voir Mélanie, la mine épouvantée, qui apportait la soupière sur la table. Il adressa un hochement de tête et garda son attitude ordinaire. À la fin du repas, les enfants quittèrent subrepticement la salle à manger pendant que Mélanie remuait de la vaisselle dans la cuisine, et soudain, ils apportèrent Zulie. Jacques la tenait dans ses bras, la tête beaucoup plus bas que les pieds. Albert lui chatouillait les joues en l'exhortant à dire bonjour, et Zulie, impassible, semblait opposer au destin le regard immobile de ses yeux bleus faïence. « Papa, réclama Jacques, pour mes étrennes, il faut m'acheter un berceau de poupée. »« Et moi, je veux une voiture de poupée, » déclara Albert. Thibault, pensif, accoudé à la table, taquinait sa moustache. « Eh bien, » dit-il, « passez-moi le catalogue du bazar qui est là-bas, dans la corbeille à papier. » Il examina les articles pour poupées avec sérieux et conviction, et il choisit 2 grands modèles de jouets qui permettraient à ses garçonnets de bercer Zulie et de la promener à travers l'appartement. À quelque temps de là, Mélanie, de plus en plus terrifiée, dut conduire Jacques et Albert en visite chez leur mère, et parbleu, elle ne put les empêcher de raconter leur bonheur. La maman, inquiète de leurs propos, exigea une confession entière de la bonne. Depuis qu'elle avait l'âge de raison, Mélanie vivait dans l'épouvante. Un père ivrogne avait terrorisé ses jeunes années, puis, dans son métier de domestique, elle avait eu affaire à des gens violents qui la rudoyaient et la vouaient à grands cris aux horreurs futures de la misère. Avant d'entrer chez M. Thibault, elle était servante de restaurant. Un inconnu l'avait poussée dans l'escalier de la cave, et elle y était demeurée longtemps évanouie. L'accident n'avait pas interrompu son travail. Cependant, après réflexion, ses patrons avaient jugé bon de la renvoyer. Bientôt était venu l'épouvante de la grossesse et aussi l'épouvante des châtiments qui attendent les coupables créatures. Et voilà que monsieur ne l'avait pas chassée. Alors, après avoir tant tremblé devant la méchanceté du sort, elle éprouvait maintenant un autre genre d'affolement. Elle était angoissée par une autre chose qu'elle ne connaissait pas, une chose immense, invisible et réelle, qui rendait monsieur un personnage prodigieux, incompréhensible et comme inabordable de puissance infinie. Cette confession bouleversa Marceline et dissipa sa névrose comme par le choc d'une brusque illumination. Comment avait-elle pu se croire malheureuse? Jusqu'à présent, elle était restée emprisonnée dans son égoïsme. Il n'avait jamais porté sa vue de l'autre côté du mur, où se trouvaient les vrais persécutés de la vie. Mais Jacques et Albert, en bambins de race affinée, tendaient leur frimousse maligne et aimante. « Et toi, maman, qu'est-ce que tu donneras pour Zulie ?» Marceline s'attendrit tout à coup. « Vous direz à papa que je reviendrai demain à la maison, et je vous ferai tout plein de robes et de brassières pour Zulie. » Alors Mélanie, l'éternelle effarée, se recula, se ratatina béante, les yeux hors de la tête. Madame devenait aussi une personne prodigieuse, qui disposait de la plus grande puissance du monde, et qu'il fallait regarder de loin, sur sa hauteur. C'était « L'effaré » par Léon Frappier.